Em Setúbal, 16 graus e Faro chegará aos 17 amanhã. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, bienvenue à cette déflagration auditive hebdomadaire qui va vous faire le plus grand bien, j'imagine, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter ce programme Destroy qui est là depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous attend ce soir? Eh bien, quelques nouveautés, bien sûr, au nombre de 4, donc comme toujours, hein, survol un peu sur tous les genres et sous-genres qui composent notre style musical. Si vous êtes prêts, si vous êtes bien installés, on va commencer tout de suite eh ben, avec ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière. Et pour ça, on va voyager loin, parce qu'on va se retrouver au Mexique avec le premier album d'un groupe qui fait dans le pur heavy metal années 80. C'est le groupe Star Force. Et on va se commencer avec un petit morceau de l'album Beyond the Eternal Night. Et leur conseil du soir, je pense que je suis d'accord avec eux, et vous aussi d'ailleurs, c'est Stay Heavy. We'll be right back. Le message est clair, Stay Heavy. Voilà, ça c'était donc extrait de Beyond the Eternal Night, le premier album des Mexicains, donc de Star Force, et premier morceau aussi d'Electric Shock ce soir. On va se faire la première nouveauté, maintenant on va faire un petit tour en Belgique, découvrir un groupe qui s'appelle Virgin Prozac. Alors oui, ça peut être un bon supplément, un bon médicament si vous avez le blues ou autre. Quoique musicalement, on est quand même plus proche du grunge et du rock alternatif des années 90. Avec ce groupe qui existe donc depuis 2017, dont c'est le premier album, enfin, premier véritable album entier, puisqu'ils ont fait sortir quand même deux EP auparavant, qui s'appelaient Pléthora en 2018 et Pléthora 2 en 2020. Et il aura fallu attendre 5 ans pour qu'ils sortent donc leur premier album Sinécure au mois de novembre dernier. Donc, si vous avez envie de découvrir, on va s'écouter donc Magic Powder. Magic powder. Purse avec leur deuxième album Let the Silence Begin, et on a écouté le morceau donc Silence. Avant Purse, première nouveauté de la soirée avec Virgin Prozac, donc groupe qui nous vient de Belgique et qui nous vient de sortir donc son premier album sorti fin novembre qui s'appelle Sinecure, et on a découvert Magic Powder. On va continuer beaucoup plus rock maintenant avec des revenants dont on aurait pu penser un copec qui nous aurait ressorti un album. C'est Aerosmith. Bon, bah, Aerosmith dont la fin de carrière s'est terminée un peu en eau de boudin puisque pendant leur tournée dite d'adieu, bah, Steven Tyler a eu des gros problèmes vocaux et du coup, bah, les concerts prévus ont été carrément annulés et du coup, exit Aerosmith. C'était la fin d'une légende. Et quand même, malgré tout, Aerosmith était sorti donc de sa semi-retraite quand même pour de participer aux adieux d'Ozzy Osbourne. Et c'est là d'ailleurs qu'ils ont rencontré ce jeune trublion qui est Youngblood. Et du coup, bah, il les a tellement aiguillonnés qu'ils ont décidé de sortir de leur retraite et d'enregistrer de nouveaux morceaux pour une sorte, on va dire, d'adoubement et de passation de pouvoir. Et bah, les vieux nous montrent qu'ils en ont encore dans le calbar, il n'y a pas à dire, et qu'ils sont toujours capables de composer des hymnes vraiment rock'n'roll. Et Youngblood, à mon avis, devait plus se sentir à l'idée de dire « Waouh, putain, Aerosmith veut faire un disque avec moi, c'est vraiment le couronnement de ma carrière pour l'instant. » Et je pense que comme bah, il est très jeune, il a encore de quoi faire et il n'a pas fini de nous surprendre, ce petit jeune homme. Donc ils nous ont sorti un petit EP au mois de novembre qui s'appelle « One More Time », doté d'une production très actuelle, bon après tout, pourquoi pas. Et bah on va se faire le morceau qui ouvre le petit EP, c'est-à-dire My Only Angel. Will you cry if I call you my Petit bond dans le temps, au siècle dernier, en 1989 exactement, avec ce projet Atomic Playboys de Steve Stevens, projet qui donnait son titre à son album, c'était donc Soul on Ice. Beaucoup plus récent puisque sorti c'est en 2025, donc le projet Aerosmith Youngblood, My Only Angel, extrait donc du EP One More Time, où la cohabitation de la vieille garde et de la relève, très réussi d'ailleurs. Continuons maintenant avec un groupe qui a fêté donc ses 40 ans de carrière l'année dernière, c'est Dream Theater. Donc il en a profité pour revisiter un petit peu tout son répertoire et en même temps pour remettre les pendules à l'heure avec le retour de Mike Portnoy. Et donc ils nous ont choisi donc le concert de Paris pour immortaliser donc ce moment, enregistré donc et filmé sur ce projet qui s'appelle 40e Live à Paris. Et dans tous ces extraits, pourquoi pas un petit extrait de l'album qui les a vraiment révélés au grand public, c'est-à-dire Images and Words. Et pour ce soir, on va s'écouter une petite version de Under a Glass Moon, en plus réarrangée un petit peu pour l'occasion. Bon, il faut dire que James Labrie ne chante plus tout à fait comme à l'époque, mais bon, ça, l'âge faisant, et puis... D'autres petits arrangements musicaux aussi un petit peu différents, comme vous allez plus constater tout de suite. Ça le fait toujours, hein, Dream Theater en live, Under a Glass Moon, grand classique qui va figurer sur leur deuxième album, le fabuleux Images and Words. Et là, cette version, on peut la trouver sur le double, triple CD, Blu-ray, vinyle, enfin tout ce que vous voulez, possible et imaginable, 40e live à Paris. Et déjà 19h36 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Qu'est-ce qu'il y a sur 96.2 entre 19h et 21h le mardi soir? Eh bien, c'est Electric Shock, le magazine métal, comme toutes les semaines. On va se faire maintenant la deuxième nouveauté de la soirée avec quelque chose d'encore complètement différent, puisqu'on va découvrir la chanteuse Noma Jalli. Alors, Noma Jalli, c'est une jeune artiste originaire de la région parisienne qui s'est fait remarquer il y a quelques années de ça. En 2016, lors de son passage à The Voice 5, elle avait revisité le Money for Nothing de Dire Straits et ça avait vraiment surpris pas mal de monde. Ce qui l'a incité d'ailleurs à devenir la frontwoman de The No Face, un groupe de rock qui était composé des quatre musiciens de Skip the Use, et ils avaient fait comme pas mal de festivals, ils avaient sorti un premier album intitulé Chapter One. Et depuis 2022, quand même, elle accompagne, c'est d'un autre registre, vous allez me dire, mais enfin quand même, pour vous dire quand même que bon, le talent est là. Zucchero, quand même, et ses musiciens sur scène, en tant que choriste, quand même. Excusez du peu. Donc, du coup, elle s'est dit que ce serait peut-être bien aussi de faire un petit truc de son côté. Et du coup, elle a sorti son premier EP qui s'appelle Challenge au mois d'octobre dernier. Je sais, oui, c'est le mois d'octobre, mais bon, voilà, on a reçu ça récemment. Et elle nous montre un petit peu toute l'étendue de son talent. On n'est pas loin de Skunk Anansie sur la plupart du temps. Sinon, il y a des choses un petit peu plus soul, il y a des choses un petit peu plus rock, des choses un petit peu plus introspectives aussi. Bref, il y a plein de choses très intéressantes. Donc, on va se mettre le morceau peut-être pas le plus évident de ce EP. On va écouter Save Me de Noma Jalli. My hands around my head, the shades of the clouds now. Another wave is coming, I must face it all. Another dream is gone, it's another. Qu'on n'avait pas passé un petit extrait du premier album de Sika. It's Time, d'ailleurs, c'est donc le titre qui donne son titre à l'album. Et bah, Sika, d'ailleurs, sera samedi soir en concert à l'Alliage à Olivet pour présenter son nouvel album Sun Moon, qui doit sortir donc ces jours-ci. Et d'ailleurs, Sika donc sera l'invité d'Electric Shock, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, où on va découvrir cet album très intéressant, comme c'était déjà le cas du premier. Croyez-moi, il y a encore des surprises, donc si vous avez envie de découvrir en avant-première, voilà, vous savez ce que vous restez à faire samedi soir, donc réservez votre soirée et allez faire un tour à l'Alliage pour découvrir. Juste avant Sika, bah, elle aussi, elle a une sacrée voix, hein, au Majali quand même, et son premier EP Challenge, c'était Save Me. Ça, c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. On continue avec un peu de black metal, tiens, pour changer. On va revenir donc à l'album de Jour Pâle, Résonance, et on va écouter une petite douceur consacrée à J. Saville. Jour pâle avec son dernier album Résonance et on vient d'écouter donc J. Saville. Et bien maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus rock et on va faire un bond dans le temps en 1975, donc il y a un peu plus de 50 ans. Époque où Alice Cooper donc sortait son album mythique et conceptuel qui est Welcome to My Nightmare. Et là, au mois de décembre, nous est sorti ses archives à live enregistré à Los Angeles en juin 75. Et extrait donc de ce live, on va se faire un extrait de cet album mythique. Un morceau qui n'est pas souvent joué en concert, malheureusement, c'est Department of Youth qu'on va s'écouter ce soir. Your new department of you. Waouh, quelle finale! Classique des classiques d'Alice Cooper, Department of Youth, avec donc extrait du live Welcome to My Nightmare, live at the Forum, Los Angeles, June 1775, sorti en fin d'année dernière. Et on a attaqué donc la deuxième heure d'Electric Shock. Et ben quoi de mieux qu'une nouveauté pour attaquer donc cette deuxième heure avec un groupe qui nous vient de la Franche-Comté, qui s'appelle Holy Fall Out, groupe de métal alternatif, qui existe depuis 2018 et qui a déjà sorti deux EP. Un en 2018 qui s'intitulait tout simplement Holy Fall Out. Un autre en 2022, All Down and Deviant. Et là, en fin d'année dernière, on a eu leur premier véritable album, qui s'intitule tout simplement 404, vous savez, ce code qu'on voit quand on a une erreur informatique. Alors musicalement, on est plutôt quand même dans le rock alternatif américain, entre Nothing More, Alter Bridge, ce genre de choses, et un petit esprit un petit peu grunge par moment aussi, enfin bref, un groupe très intéressant. Donc extrait de cet album, écoutons-nous Unsatisfied. Yeah. What's Next? What's Next, c'est le titre de l'album de Dark Rose et on vient de s'écouter Unlawful. Juste avant Dark Rose, et bien venu donc de Franche-Comté, c'était Holy Fallout et leur premier véritable album 404, vous savez ce numéro qu'on voit quand il y a une erreur informatique. Et on a écouté Unsatisfied et c'était également la troisième nouveauté donc pour Electric Shock ce soir. Et bien maintenant revenons à du heavy metal, esprit années 80. Avec le deuxième album de Spirit War, le projet donc le nouveau projet de Marcus Fortunato, bassiste chanteur, qui s'était illustré dans les années 2000 avec MZ et puis bien d'autres projets. On va se faire donc un petit extrait de cet album avec le morceau Just for One Night. We'll be right back. pur esprit des années 80, ça c'est clair, avec le deuxième album de Castlerath the Bestiary. On s'est écouté donc Siren. Eux par contre sont bien Made in France et Spirit War, et eux aussi c'est leur deuxième album, c'était Beyond Frontiers, l'album c'est Beyond Frontiers, et on a écouté Just for One Night de Spirit War. Revenons maintenant à un petit quelque chose d'un peu plus grunge, groupe de la région parisienne, va revenir à l'album Nothing Remains the Same de Lying Down. Et ouais, on va planer un petit peu puisque le morceau qui va suivre, ça s'appelle Opium. Opium, donc extrait de Nothing Remains the Same, le dernier album des Parisiens de Lying Down. Et on va attaquer bientôt la dernière demi-heure et on va se faire donc la dernière nouveauté de la soirée. Et pour ça, on va faire un tour du côté de Besançon, découvrir le groupe Shoot the Singers. Déjà, on se dit, wow, tuer les chanteurs? Non, non, c'est pas un groupe instrumental, il y a bien du chant dedans. Donc, groupe, comme je disais, donc, issu de la scène byzantine, qui existe depuis donc 2011. Et ils ont déjà sorti donc deux albums. Là, c'est leur troisième qui est sorti là au mois d'octobre dernier, qui s'intitule Just Keep Your Head Down. Alors, comme le dit la bio, hein, c'est quelque part entre Nada Surf, Rival Schools, Pavement, Sonic Youth, c'est-à-dire tout ça, c'est très ambiance années 90. Eh ben, Nobody, ça va le faire pour ce soir. Ce règne néfaste, une fois de plus la vergogne les sert, leur droit voué à la misère. Yeah. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé un petit extrait du Cran, le deuxième album des Fallen Lilies. C'était de Washington DC, un morceau dédié au clown orange qui sévit en ce moment à la Maison Blanche, qui nous amuse ou qui nous est triste, enfin c'est selon quoi, voilà. Juste avant Fallen Lilies, par contre, venu de Besançon, les Shoot to the Singer, c'est leur troisième album Just Keep Your Head Down, et le morceau Nobody, c'était donc la troisième nouveauté donc de la soirée. Et 20h34 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, et oui, c'est bien Electric Shock, tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Bah tiens, faisons-nous un peu de heavy metal typé années 80, avec un petit extrait de Valse des âmes de Damon Tool. Eh ben, on va se faire tout simplement le morceau qui donne son titre à l'album, si vous voulez bien. apparitions. Les hommes, les démons sont légion. La valse des âmes, une danse qui plus macabre sous les tendards. On entrevoit la lune noire. C'est leur navigation. La valse, la lance sous les trahissions. Les hommes, les démons sont légion. La valse des âmes, donc extrait de l'album du même nom, c'était donc Demon Tool. Et bien maintenant, allons faire un petit tour en Belgique, retrouver Fugue the Void et son EP All the Worlds. Et allons nous écouter Breakaway. war and end. We both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Holding inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know. Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you ask for. Number 10 to 1, back then should have bit your tongue, 'cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list, say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss, watch it all falling apart like this. This is what you ask for. Avec son album From Zero, qui est un vrai hit, cas de le dire. Heavy is the Crown, Linkin Park d'ailleurs, qui sera en concert cet été chez nous pour deux dates. Une à Paris au Stade de France, qui s'est remplie en moins de temps qu'il faut pour le dire, et à Lyon également. Juste avant Linkin Park, venu de Belgique, c'était Through the Void avec leur nouvel EP All the Worlds, et on s'est écouté donc Breakaway. Et si on revenait maintenant à Kill 'Em All de Metallica avec le tribute No Life Till Laser que je vous ai déjà présenté depuis plusieurs semaines, où beaucoup donc de vétérans de la scène métal, dont beaucoup d'ailleurs qui ont influencé Metallica, donc rendaient hommage à cet album mythique, hein, tel que Diamondhead, Tigers of Pantang, Motorhead, Saxon et j'en passe. Et il y a également aussi une super version du Seek and Destroy de Metallica de Testament. C'est vrai que Testament, si Metallica n'avait pas sorti Kill 'Em All, je ne sais pas si Testament, puis bien d'autres non plus, auraient existé. Testament d'ailleurs qui nous a sorti un album, bah, si vous avez écouté Electric Shock ces dernières semaines, vous le savez, parce que bah, Parabellum, on se fait quand même pas mal d'extraits de cet excellent dernier album. Et là, bah, donc, Testament qui rend hommage à ses maîtres, ça nous donne... Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne ça. We'll be right back. Sympa le Seek and Destroy repris par Testament hein, sur le Tribute No Life Till Laser, Tribute to Metallica's Kill 'Em All. Eh ben on a le temps de se faire un dernier morceau. Il y a un album que j'ai un petit peu négligé ces dernières semaines. C'est le dernier excellent album de Sortilège, Le Poids de l'âme. Et j'ai pensé qu'Horizon ce serait très bien pour terminer l'émission de ce soir. voilà, c'est avec ce super morceau qu'est Horizon, extrait du Poids de l'âme de Sortilège, qu'Electric Choc se termine ce soir. Eh bien, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour des nouveautés encore et puis des surprises comme toujours. Amis Nightclubbers, ben j'espère que vous êtes prêts parce que Electro Live, ça va être maintenant. Je ne sais pas ce que l'ami Christophe nous a préparé. On va voir ça tout de suite avec lui. Salut. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, en set, on va commencer par une heure de house et après je vais vous emmener sur un truc plus planant, plus de la progressive. Donc, la mélodique house et de la progressive. Voilà. Donc globalement, ça devrait faire une heure de house, peut-être un peu moins si je me dépêche. Donc, parce que la progressive, tu ne peux pas trop la couper. Donc, ouais, je vais peut-être faire une demi-heure de house, je ne sais pas, on verra. Donc voilà. C'est ce qu'il reste à faire, bah, c'est d'écouter, parce que bah, voilà, yes. Christophe va faire selon ses envies, comme yes. Toujours. Voilà, et il a bien raison. Et ben bah, je vous laisse en sa compagnie, Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Ciao.